مدرسات. خبيا. عباس له سبع بنات. خبيا. عباس له سبع بنات. وسبعه. في بيتنا تسع زجاجة. خبيا ما شاء الله. في الجامعة خمس كليات. في الجامعة خمس كليات. نعم. في المستشفى عشر طبيبات وأربع ممرضات. خبيا. في المستشفى عشر طبيبات وأربع ممرضات. سيكون ممرضة؟ أفهمي. أفهمي. سيبا. خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات. نعم. خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات. وشبا. خمسة وست أخوات. خبيا. لي خمسة إخوة وست أخوات. في هذا الكتاب عشرة دروس. خبيا. لنا أربعة أعمام. لنا أربعة أعمام وخمس عمات. خبيا. لنا أربعة أعمام وخمس عمات. خمس جامعات. خبيا. في ذلك الدرس ثماني كلمات جديدة. خبيا. وسبا. عندي ثلاثة مجلات. خبيا. عندي ثلاث مجلات. إن شاء الله كل من داكم خيا. طيب إيسا on est dans le besoin. Tous les jours, quand tu rentres dans le Dukan, par exemple, c'est pour ça, je pense que c'est un des plus faciles à apprendre ça. 2, 3, 10. Après le reste, ça se complique un petit peu. Grand 3. Ajib anil as'ila al-atiya musta'min al-adad al-madkour bain al-qawsin. Qu'est-ce que dit al-qawsin, Mohamed? Entre parenthèses. Taïb. Kam akhan laka, Abdelkarim, tu regardes entre parenthèses, le chiffre 6, tu diras. Indi. Indi. Attention, là je crois que c'est mélangé. Hein. Il y a du masculin et du féminin. C'est pas comme hier. Sittatoun. Très bien. Sittatou. Sittatou. Ikhwatin. Ikhwatin. Naam, indi sittatoun ikhwatin. Kam ukhtan laka. Li khamsu akhawatin. Très bien. Li khamsu akhawatin. Kam baqaratan fil haqli. Ma'ana al haql. Haqlun. Qu'est-ce que ça veut dire? Chant très bien, mashallah. Fil haqli asharu asharu baqaratin. Très bien, asharu baqaratin. Baqaratin. Naam, parce que c'est un pluriel. Taïb. Kam talibatan jadidatan fil fasl? Fil fasl sittatun. Tis'u. Tis'u talibatin. Naam. Talibatin jadidatin. Kam tabibatan في مستشفى الولادة. Qu'est-ce que ça dit مستشفى الولادة Wahbi? Très bien. Ouais. Mais sinon le mot en lui-même, comment le traduire là? Hôpital de la naissance. Voilà. طيب. مستشفى hôpital, ولادة, naissance. Très bien, mashallah. Vas-y. فيها ثمان طبيبات. Très bien, mashallah. كم حافلة في الجامعة؟ فيها ستو. حافلات أبوت لي فخان باش ما نطن بارك الله فيك. طيب كم ابنا لك؟ لي أربعة أبناء. أربعة أبناء. نعم. أربعة أبناء. كم بنتا لك؟ لي ست. Le 7 il a en forme de V et l'inverse. لي سبعة. سبع بنات. très bien. كم جامعة في بلدك؟ فيها أربع جامعات. ثلاث. فيها ثلاث جامعات. جامعات. je vous en veux pas parce que c'est un pluriel que vous n'avez pas vu encore. جامع مؤنث سالم. tu prononces le alif. طيب. كم كتابا عندك؟ عندي ثمانية Non, Kutubin. Voilà. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Moi, le conseil que je vous donne, c'est de le faire à l'écrit. Voilà. Dans votre cahier, comme ça, ça restera plus. Tu vois. Pourquoi je vous dis ça ? Car ce sont des choses, de temps en temps, on n'utilise pas régulièrement.

الأصول. من بعد ذلك ترى هي beaucoup de طبعة ثلاثة الأصول أصول ثلاثة هذه الأصول الثلاثة تشوا Par exemple, c'est ça.